Nelinga mokana ezalinga motema mawa banga e Yakama. Écoute ça ce soir, chérie. J'espère que tu seras contente, très contente. Yatama, yatama, yatama. Nana Rogeri, bozu que la biso ma pepe, mama mama ro, mama mama ro, Evalina ere. Pour un séjour aussi bref na poto. Yo bandito tindela ngai mikana te yo kolela. Yo bandito tindela ngai mikana te yo zali na pasi bwale. Yo bandito tindela ngai mikana te na zonga no kizeva. Yata ma oro ma chéri. Napolingo ya loin loin, pas à la cana patience y'a sûr. Napolingo ya distance, pas à la cana maîtrise. Napolingo ya loin loin, pas à la cana patience y'a sûr. Y'a ta ma oro ma chérie. Oh non, y'a ta ma. N'agis pas comme une petite fille de 8 ans, sois tranquille. Je te promets de roi si j'arriverai à Maya Maya. Si tu pleures, moi je pleure aussi. Mais si tu pleures beaucoup, beaucoup, moi je pleure aussi. Nous finirons dans un désespoir, aïe aïe. Nous finirons dans un désespoir pour notre amour. Nous finirons dans un désespoir, yatamao. Nous finirons dans un désespoir pour notre amour, yatamao, oh, oh, ma bien-aimée. Vamos. Hey, check, check, check.